cette mélodie m'entête, car son silence me jette ses notes sur une portée. Le virtuose s'arrête, piano distant dans sa tête, ses doigts hors de portée. Dans la nuit, cette âme éclate, clate, clate, Artémis aînée et quatre, quatre, quatre se combattent ses pensées. Ces solutions insensées. Maintenant, c'est brûlant. Maintenant. Maintenant. C'est troublant. Cependant. Sois prudent. Maintenant. Humainement. S'introduire dans un amour plus grand. Infini, indescriptible pourtant.